C'est plate dans ce temps-là. T'as pas une texture électrique pour acheter? Hein? T'as pas une prise texture électrique dans la dedans? Ouais. Eh, hey, quand pas là-dedans, hein? Ça fait de Rock Band. Ok, ouais, j'avoue. De Rocksmith, je veux dire. On peut essayer de plugger ma guitare électrique. Tu sais, t'as une ampli.